Les joueurs coréens qui avaient participé au 64e championnat mondial de pentathlon militaire ont regagné le discours « La patrie » par avion. Rappelons que le dernier championnat, tenu du 30 juillet au 5 août en Équateur, avait regroupé plus de 200 sportifs militaires de 25 pays tels que Italie, Allemagne et Brésil. Les joueurs coréens ont obtenu deux médailles d'or, une d'argent et une autre de bronze. À la course de relais de haies de 500 mètres pour dames et messieurs, les Coréens ont battu respectivement le record mondial et obtenu les médailles d'or et coupe. Les Coréennes se sont classées 3e à l'épreuve par équipe de pentathlon militaire. Tout comme dans le passé, le dernier championnat a défini à part le classement général de pentathlon militaire des joueurs débutants qui y ont participé pour la première fois pour les primer séparément. La Coréenne Kim Soo-ryun s'est classée 2e au classement général individuel et a reçu la médaille d'argent.